ville que je donne ça, c'est pour mes gars que je donne ça. 80 c'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratos. C'est pour ma ville que je donne ça, c'est pour mes gars, pour mes vrais que je donne ça. 80 c'est 1.5, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratos. Dans le rap, je fais ma bosse, je fais ma bosse. Ouais, j'explose, j'ai pigé, pigé tant de choses, mais beaucoup me déçoivent, m'ont déçu. Alors les liens, j'ai rompu. Ouais, je pèse cette France de racistes, de profiteurs, et j'en tue les inspecteurs. Mais putain, à quand est mon heure? J'en ai marre de trimer, galérer. Je souhaiterais être blindé, mais beaucoup voudront tout me soutirer. Je vous ai crié, je dois rien à personne et je me démerde tout seul. Des galères j'en ai et j'en ai eu, et j'ai pas attendu pour relever la tête. Y'a tant de choses qui m'énervent, qui me surprennent. Attends que je leur casse la tête. Y'a des choses à dire, alors ne bougez pas, je vous explique. Alors ne bougez pas, je m'exprime. Produit de province, allez mettez-vous bien. C'est l'1.5, c'est pour les oufs, les narvalos. Pour ceux qui fument des gros bédos, c'est l'1.5. 80, t'as remarqué, c'est le drapeau. C'est l'1.5, produit de province. Allez, mettez-vous bien, c'est l'1.5. C'est pour les oufs, les narvalos. Pour ceux qui fument des gros bédos, c'est l'1.5. 80, t'as remarqué, c'est le drapeau. Amiens, c'est ma ville, ma tanière, là où je crèche, là où j'allume la mèche. Pour cramer les faux MC, si, si, si, 8-0, c'est par ici. Vas-y, viens, avant, je t'invite, je t'incite. La vie me fait subir, souffrir. Dans mon cœur, un martyr, depuis que mes parents sont partis. Dans ma tête, c'est le casse-tête, alors je m'isole, je réfléchis. Et parfois, je me dis, je voudrais bien partir loin d'ici, quitter ma ville, rejoindre un autre pays. Mais si cela était facile, il y aurait longtemps, j'aurais parti. Mais t'es fou, je vais pas quitter ma famille. Alors, je fais mon temps, et j'attends d'être parti. En attendant, je représente ma ville et je fais du rap, je vous avoue, petit à petit, ouais j'avance, c'est pour ça que je dérange moi aussi, j'ai la dalle. Alors arrêtez de faire les rapaces, laissez-nous trahir la place. C'est l'1.5 pour du province, allez mettez-vous bien, c'est l'1.5, c'est pour les ouf, les narvalos, pour ceux qui fument des gros bédos, c'est l'1.5. 80, t'as remarqué, c'est le drapeau. C'est l'1.5 pour toute province, allez mettez-vous bien, c'est l'1.5, c'est pour les ouf, les narvalos, pour ceux qui fument des gros bédos, c'est l'1.5. 80, t'as remarqué, c'est le drapeau. C'est pour ma ville que je donne ça, c'est pour mes gars que je donne ça. 80, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratos.